الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. يرى كل شيء. Il voit toute chose. ولا يعاقب على كل شيء. Mais il ne punit pas pour toute chose. رغم أنه قادر على كل شيء. Malgré qu'il est capable de réaliser toute chose. لأنه رحيم حليم parce qu'il est plein de miséricorde et d'indulgence. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. سب رجل أبا بكر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Un homme insulta Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, en présence du prophète, prière et salut sur lui, ainsi que ses compagnons. فصمت عنه أبو بكر. Et Abu Bakr garda le silence. Il n'a pas répondu. ثم آذاه الثانية. Et après, cet homme a insulté une deuxième fois Abu Bakr. فصمت عنه أبو بكر. Et Abu Bakr garda le silence. ثم آذاه الثالثة. فانتصر منه أبو بكر. حينئذ تكلم أبو بكر وأجاب عن نفسه. Et au deuxième ou à la troisième insulte, Abu Bakr s'est défendu et il a répondu pour se défendre. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le messager de Dieu, prière et salut sur lui, se leva. C'est-à-dire pour partir. فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله. يعني أبو بكر فهم أن النبي قد غضب لأن أبو بكر أجاب. فقال له أوجدت علي يا رسول الله. يعني غضبت. Et Abu Bakr dit au messager de Dieu, prière et salut sur lui, es-tu fâché de moi, ça veut dire parce que j'ai répondu. فقال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et salut sur lui, نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك. Il y avait un ange descendu du ciel qui le traitait de menteur dans ce qu'il disait. Et يجيب في مكانك, ça veut dire il était en train de répondre à ta place. فلما انتصرت, lorsque tu t'es défendu toi-même, وقع الشيطان. يعني نزل الشيطان معنى صعد الملك. الملك ذهب والشيطان أتى حتى يقول لك ما تقول. Et lorsque tu t'es défendu, c'est Satan, c'est le démon qui est descendu. Ça veut dire l'ange est parti et il a été remplacé par un démon. فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانِ. Et je ne peux pas rester assis dans un lieu où se trouve le démon. رواه أبو داود وقال سند صحيح. Rapporté par l'imam Abu Daoud et qui a qualifié sa chaîne de véritable. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître est bien aimé Muhammad et l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et salut sur lui, من رمى مسلما بشيء. يعني سبه, من سب مسلم سواء في حضوره أو في غيابه أو أرسل إليه السب مع من يسمعها هذا السب. من رمى مسلما بشيء يريد شينه به, يريد أن ينقص منه, يريد أن يحتقره بذلك الشيء. من رمى مسلما بشيء يريد شينه به. Celui qui traite un musulman voulant le dénigrer avec, حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. أي بإعطاء الحسنات لخصمه أو أخذ السيئات من عند خصمه حتى يشتري المظلمة. يقف على جسر جهنم لا يدخل للجنة حتى يؤدي على هذا الكلام الذي قاله في الدنيا. Donc celui qui traite un musulman voulant le dénigrer avec, Dieu l'arrête sur le pont de l'enfer jusqu'à ce qu'il s'acquitte de ce qu'il a dit, soit en donnant des bonnes œuvres à son adversaire, soit en prenant ses mauvaises actions. Rawah Abu Daoud bi sanadin salih, rapporté toujours par l'imam Abu Daoud avec une chaîne valable. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra au nom des sables du désert, wa auladi adam wa hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal as-salati wa azka as-salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Yahtafil al-alam al-islami fi hadha al-usbu' biyawmi 'ashura. Le monde musulman célèbre pendant cette semaine le jour de Ashura. Wa sam al-muslimun tajdidan li sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd al-buldan al-yawm wa fi ba'd al-buldan ghadan. Et les musulmans, pour renouveler la tradition, la sunna du prophète, prière et saïe sur lui, ont jeûné dans quelques pays aujourd'hui et vont jeûner dans d'autres pays demain. فنسأل الله قبول صيامهم. On demande à Dieu d'agréer leur jeûne. وبهذه المناسبة سنعيش اليوم مع ثلاث دعوات دعا بهن ثلاث أنبياء على أقوامهم. Et à cette occasion, on va vivre aujourd'hui avec trois vœux ou trois invocations, prières formulées par trois prophètes à propos de leur peuple. نوح موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم l'envoyé Noé, Moïse et Mohammed, et que les salutations et les prières de Dieu soient sur eux. وأمر إلى التفاصيل, et je passe au développement. أولا, premièrement, الدعوة الأولى, c'est-à-dire on va vivre avec la première invocation ou prière. كان الرجل يأتي بولده إلى نوح عليه السلام. L'homme ramenait son fils vers le prophète de Dieu, Noé, prière et salut sur lui. فيقول له, et il lui dit, l'homme dit à son fils, لا تؤمن بهذا الكذاب. Ne crois jamais en ce menteur. فإن أبي أوصاني بهذا. Parce que mon père m'a fait ce testament, parce que mon père m'a recommandé ceci, de ne jamais croire en ce menteur. وهكذا بعد ألف سنة إلا خمسين عاما من الدعوة إلى الله. Et ainsi, après mille ans, à part 50, c'est-à-dire 950 années d'appel à Dieu de la part de Noé, ما آمن به إلا القليل. Il n'y a qu'un petit nombre très limité qui a cru au message de Noé, prière et salut sur lui, malgré la longue période d'appel. فدعا نوح دعوته المشهورة. Et à ce moment-là, Noé a formulé sa prière célèbre qui se trouve dans ce verset coranique, الموجودة في هذه الآية القرآنية, رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Seigneur, ne laisse sur la terre parmi les mécréants aucun habitant. فاستجاب الله دعاءه. Et Dieu a exaucé sa prière. وأمره بصنع سفينة. Et il lui a recommandé de fabriquer un bateau. وسخر منه قومه. Son peuple se sont moqués de lui. كيف تجري السفينة في البحر على اليابس يا نوح. Oh Noé, comment un bateau va se déplacer sur une terre déserte? Il n'y a pas de mer ici. قال سوف تعلمون. Il leur dit, vous allez savoir, vous allez voir. وجاء غضب الله. Et la colère de Dieu arriva. طوفان لم يرى مثله. Un déluge inédit, jamais vu. Amwaj kaljibal, des vagues comme des montagnes. وبعد موت الجميع, إلا من كان مع نوح في السفينة après la mort par la noyade de tout le monde à part les gens qui étaient sur le bateau avec Noé, قال تعالى, Dieu dit, يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. Noé débarque en paix, salut de notre part et bénédiction sur toi et sur des nations de ceux qui sont avec toi. ولهذا يسمى نوح الأب الثاني للبشرية. Ainsi on nomme Noé le deuxième père de l'humanité. ونزل نوح عليه السلام والمؤمنون من السفينة يوم عاشوراء في شهر المحرم. Et les musulmans, les croyants, ainsi que Noé, prière et salut sur lui, débarquèrent de leur bateau le jour d'Ashura, dans ce mois sacré. يوم عاشوراء في هذا الشهر المحرم وصاموا هذا اليوم شكرا لله الذي نجاهم من الكافرين والذي نجاهم من الموت. Et ils ont jeûné ce jour d'Ashura pour Dieu, pour remercier Dieu qui les a sauvés de la mort par la noyade et qui les a sauvés des mécréants. الدعوة الثانية, la deuxième prière, أرسل الله موسى عليه السلام لشعب مصر وفراعنته. Dieu le Très-Haut a envoyé Moïse, prière et salut sur lui, pour le peuple d'Égypte et pour ses pharaons. فكفروا, ils ont préféré la mécréance. فأرسل الله عليهم خمس آيات من العذاب. Et Dieu leur a envoyé cinq fléaux. Leur a envoyé des épreuves sous forme de cinq fléaux. Al-awwal, le premier châtiment, at-tufan, le déluge. Fada'a az-zar'u wal-harf, ce déluge qui a causé la perte des récoltes. Thumma talabu Musa an yad'a rabbe. Et par la suite, les Égyptiens demandèrent à Moïse d'implorer son Seigneur. فَإِذَا ذَهَبَ الْعَذَابُ, si le mal est dissipé, آمَنُوا بِهِ وَأَرْسَلُوا مَعَهُ بَنُوا إِسْرَائِيلَ. Et si le mal est dissipé, ils vont croire en lui et laisser partir avec lui les enfants d'Israël. فَدَعَا مُوسَى رَبَّهُ, Moïse a imploré son Seigneur. فَلَمَّا ذَهَبَ الْعَذَابُ, après la dissipation du mal, لَمْ يُؤْمِنُوا, ils n'ont pas cru. ثَانِيًا, أرسل الله في العذاب الثاني الجراد الذي أكل كل شيء عند المصريين. Le deuxième châtiment, c'était l'envoi des sauterelles. Ces sauterelles qui ont mangé toute chose qui bougeait. وطلبوا موسى كما في أول مرة. Et ils ont demandé à Moïse comme dans la première fois. فلما ذهب العذاب لم يؤمنوا. Et après la dissipation du mal, ils n'ont pas cru. Thalithan, troisièmement, al-adhab al-thalith, le troisième châtiment, al-qummal, les vermines et les poux. Famana'ahum al-nawm wal-raha, ces vermines et ces poux qui les privèrent du sommeil et du repos. Wa talabu Musa alayhi salam, ils se sont dirigés une autre fois vers Moïse, prière et salut sur lui. Falamma dahab al-adhab lam yu'minu, après la dissipation du mal, ils n'ont pas cru. العذاب الرابع, le quatrième châtiment, أرسل الله عليهم الضفادع التي ملأت بيوتهم واختلطت بطعامهم وشرابهم ومنعتهم من كل شيء. Dieu leur a envoyé les grenouilles qui ont rempli leur maison et se sont mélangées avec leur nourriture et leur boisson. وطلبوا موسى عليه السلام كالعادة, ils se sont dirigés rapidement vers Moïse, prière et salut sur lui comme d'habitude. فلما دعا ربه, lorsqu'il a imploré son Seigneur, وذهب العذاب, et il y a eu la dissipation du mal, لم يؤمنوا, ils n'ont pas cru. العذاب الخامس, le cinquième châtiment, الدم, le sang. صارت أنهارهم وآبارهم دما أحمرا, les eaux de leurs puits et rivières se transformèrent en sang rouge. واشتكوا إلى موسى عليه السلام, ils se plaignirent à Moïse, prière et salut sur lui. فدعا ربه, Il implora son Seigneur. فَلَمَّا ذَهَبَ الْعَذَابِ Après la dissipation du mal, لَمْ يُؤْمِنُوا Ils n'ont pas cru. قَالَ تَعَالَى Dieu résume tout ceci dans un verset coranique. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Nous lâchâmes alors sur eux le déluge, les sauterelles, la vermine, les grenouilles, le sang, comme signe bien détaillé, mais ils s'enorgueillirent et furent un peuple de criminels. فدعا موسى عليه السلام دعوته المشهورة et Moïse prière et salut sur lui a formulé sa prière célèbre qui se trouve dans ce verset coranique هذه الدعوة الموجودة في هذه الآية الكريمة ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم Notre Seigneur anéantit leur richesse et ferme leur cœur afin qu'ils ne croient qu'en voyant le supplice douloureux فاستجاب الله دعاء موسى عليه السلام et Dieu le Très-Haut a exaucé la prière de Moïse prière et sur lui فأغرق الله فرعون وجنوده في البحر et Dieu a fait noyer Pharaon et ses soldats dans la mer rouge ونجى موسى عليه السلام وبني إسرائيل et il a sauvé par la suite Moïse et les enfants d'Israël. وَذَلِكَ يَوْمَ عَاشُورَ فِي شَهْرِ مُحَرَّمَ Et ceci a eu lieu le jour d'Ashura, dans ce mois Muharram, dans ce mois sacré. وَمَرَّتْ الْقُرُونَ Et les siècles passèrent. وَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى الْمَدِينَ Et le prophète Mohammed, prière et salut sur lui, vint à Médine. فَوَجَدَ الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَ Il a rencontré, il a vu que les Juifs à Médine jeûnaient ce jour d'Ashura. فَقَالَ مَا هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي تَصُومُونَهُ Il leur a dit, expliquez-moi pourquoi vous jeûnez ce jour-ci. فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ نَجَّ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ Et leur réponse était, il s'agit d'un jour dans lequel Dieu a sauvé Moïse, prière et salut sur lui. قال النبي عليه الصلاة والسلام et le prophète prière et salut sur lui dit, قال لأصحابه, le prophète dit à ses compagnons, à ses amis, أنتم أحق بموسى منهم Vous méritez de suivre Moïse plus que فَصُومُوا هَذَا الْيَوْمِ فَصُومُوا Jeûner donc, muttafaqun alayh, unanimement authentique. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وكانت الصحابة تصوم. Donc le prophète prière et salut sur lui, jeûner ce jour et ainsi les compagnons pour remercier Dieu subhanahu wa ta'ala. الدعوة الثالثة والأخيرة, le troisième ou la troisième et dernière prière. لما دعا محمد صلى الله عليه وسلم قريشا إلى الإسلام lorsque le prophète prière et salut sur lui a invité les Quraychites, les habitants de la Mecque à l'islam عذب الكفار الصحابة les mécréants ont torturé les compagnons du prophète prière et salut sur lui عذب الصحابة كبلال ils ont torturé les compagnons comme Bilal, Sohaib Ammar wa ummuhu Sumayya, sa maman Sumayya, wa abi Yasir et son père Yasser. Wa stahza'u bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont moqués du prophète, prière et salut sur lui. Wa qalu lahu majnun. Ils lui ont dit ou ils l'ont traité de fou. Wa sahir, sorcier ou magicien. Wa sha'ir, poète. وحاصروه صلى الله عليه وسلم وأصحابه مدة كبيرة et ils l'ont assiégé avec ses amis pendant une longue durée ثلاث سنوات trois années فأكلوا أوراق الأشجار من الجوع et les compagnons se sont nourris par les feuilles d'arbres de la famine qui les a touchés وطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن لإلحاق الأذى به et pour faire beaucoup de mal au prophète prière et salut sur lui ils ont répudié les filles du prophète خيار إسرائيل. وبعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضوان الله عليها, après le décès de son oncle Abu Talib et de son épouse Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, مس العذاب جسد النبي صلى الله عليه وسلم, le mal a touché le corps du prophète, prière et sage lui. فألقوا التراب والقابورات على رأسه وهو يصلي. Ils ont jeté de la terre et des saletés sur sa tête lorsqu'il faisait sa prière à côté de la Kaaba. وتنحني ابنته فاطمة رضوان الله عليها باكية تميط عنه القابورات. Et sa fille Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, s'inclina auprès de lui avec des larmes aux yeux pour éliminer les saletés de la tête qui se trouvait sur la tête de son père. فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم دمعها بيده الكريمة. Et le prophète prière et salut sur lui essuya les larmes avec sa main noble. ويقول لها, il lui dit, لا تحزني يا بنية إن الله مانع أباك. Ô chère fille, ne t'attriste pas. Certes, Dieu protégera ton père. ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم هجرته الأولى إلى الطائف. Et le prophète prière et salut sur lui accomplit sa première hégire vers la ville de Taif, رجاء إسلام أهلها, dans l'espoir de voir ses habitants se convertir à l'islam. 100 km تقريبا من مكة, la ville de Taif s'éloigne de la Mecque à peu près de 100 km. سافر على رجليه في الصحراء الحامية معه مولاه زيد بن حارثة رضوان الله عليه. Il a voyagé, il a émigré seul, accompagné uniquement de son fils adoptif Zayd, fils de Haritha, que Dieu soit satisfait de lui, dans ce désert très chaud. فَلَمَّا دَعَ كُبَرَاءَ وَأَشْرَافَ الطَّائِفِ, lorsqu'il a invité à l'islam les dignitaires et les nobles de la ville de Taif, قَالَ أَحَدُهُمْ مُسْتَهْزِئًا بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, l'un d'eux dit, pour se moquer du prophète prière et salut sur lui, أما وجد الله أحدا غيرك, أما ربي ما لقيت واحد غيرك أنت, أما وجد الله أحدا غيرك, est-ce que Dieu n'a trouvé personne à part toi pour l'envoyer. وقال له آخر, un deuxième lui dit, والله لا أكلمنك أبدا, par Dieu le très haut je te parlerai jamais, إن كنت رسولا, si tu es vraiment un messager, لأنت أعظم خطرا, لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. Si tu es vraiment un messager, tu représentes un grand danger pour que je puisse te répondre. ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك وأنت من الكاذبين. Et dans le cas où tu es un menteur qui raconte des mensonges sur Dieu, ce n'est pas bien pour moi de te répondre, de parler avec des menteurs comme toi. فَلَمَّا فَارَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الطَّائِفِ, lorsque le prophète prière et salut sur lui a quitté la ville de Taif dans son chemin du retour vers la Mecque, أَمَرُوا سُفَهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ, les dignitaires ont ordonné à leurs esclaves et à leurs stupides بِالْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ de lui faire du mal. فَوَقَفُوا صَفَّيْنِ فِي طَرِيقِهِ, ils se sont mis deux rangées à sa gauche et à sa droite. وَرَمَوْ رِجْلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ, ils ont visé avec leurs pierres les pieds du prophète prière et salut sur lui. فَكَانَ يَمْشِي وَالْدِمَاءُ تَسِيلُ مِنْ جَسَدِهِ الشَّرِيفِ, le prophète prière et salut sur lui marchait et le sang saignait de son corps chérifien. وَالسَّبُّ وَالشَّتْمُ يَنْزِلَانِ عَلَيْهِ كَالْمَطَرِ, les insultes, les injures tombaient sur sa tête comme de la pluie. وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَاوِلُ أَنْ يَحْمِيَهُ بِجَسَدِهِ حَتَّى جُرِحَ فِي رَأْسِهِ, et Zayd, que Dieu soit satisfait de lui, son fils adoptif, essayait de le protéger avec son corps jusqu'au point d'être blessé sur sa tête. يُضْرَبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم, on frappe le messager de Dieu, prière et salut sur lui, وهو أكرم الخلق وحبيب الحق, lui la meilleure créature est le bien-aimé des créateurs. لماذا كل هذا؟ Pourquoi tout ceci؟ لأنه أراد إنقاذهم من النار. Parce qu'il a voulu les sauver des flammes de l'enfer. فلما ابتعد من الطائف, lorsqu'il s'éloigna de la ville de Taif, جلس بجانب شجرة. Il s'assit à côté d'un arbre. ومسح الدم. Il a essuyé le sang qui coulait de ses pieds. ثم قال. Puis il se dirigea vers Dieu. Allah, la ilaha illallah. Il se dirigea vers Dieu pour lui dire. Allahumma ilayka ashku ba'fa quwwati. Mon Seigneur, c'est à toi que je me plains de ma faiblesse. Wa qillati hilati. Et de mon incapacité. Wa hawani 'ala an-nas. Et de mon humiliation par les gens. Ya arhamar rahimin. Au plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Anta rabbul mustad'afi. C'est toi le Seigneur des opprimés. Wa anta rabbi. Et tu es mon Seigneur. Ila man takiluni. À qui me confies-tu? Ila ba'idin yatajahamuni. À un étranger qui me maltraite. Am ila aduwin mallaktahu amri. Ou à un ennemi auquel tu as accordé une autorisation sur moi. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. Tout cela m'est indifférent si tu n'es pas en colère contre moi. ولكن عافيتك هي أوسع لي. Mais la santé que tu me dispenses est plus grande et large pour moi. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. Min an tunzila bi ghadabak. Je me protège par ta face qui éclaire les ténèbres et qui est nécessaire pour le bon-être du bas monde et de l'au-delà que tu abattes sur moi ta colère. Aw yahilla alayya sakhatuk. Ou que tu me frappes de ta malédiction. Lakal utba hatta tarda. Wala hawla wala quwwata illa bik. Nul pouvoir et nulle puissance sans toi. وفي طريق العودة إذن لشمان دي رتور نظر عليه الصلاة والسلام جبريل في سحابة il a repéré, il a vu dans un ou à travers un nuage l'archange Gabriel فناداه جبريل وقال له l'archange Gabriel l'appela et lui dit يا محمد ô محمد إن الله قد سمع قول قومك لك. Dieu a entendu les dires de ton peuple pour toi. وَمَا رَدُّوا بِهِ عَلَيْكَ. Et leur réponse à ton appel. وَقَدْ بَعَثَ لَكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ. Et il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu veux. فَنَادَاهُ مَلَكُ الْجِبَالِ. Et l'ange des montagnes l'appela. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلوا للبروفيت بريير صلى ثم قال puis il dit يا محمد أو محمد أنا ملك الجبال je suis l'ange chargé des montagnes قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت. Ton Seigneur m'a envoyé vers toi pour que tu m'ordonnes ce que tu veux. إن شئت فأطبق عليهم الأخشبين جبلين سلسلة الجبال من هنا وسلسلة الجبال من هنا على مكة يطبق على مكة الجبال فلا يبقى حديث يذكر لأهل مكة ولكفار مكة إن شئت فأطبق عليهم الأخشبين جبلين بمكة. Si tu veux, je les écrase avec les deux chaînes montagneuses qui se trouvent à droite et à la gauche de la Mecque. لقد جاءت المناسبة للدعاء. Voici l'occasion de la prière qui se présente devant le prophète prière et sa journée. هل قال محمد عليه الصلاة والسلام كقول نوح. Est-ce que Mohammed prière et sa journée va formuler la même prière formulée par Noé? ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Seigneur, ne laisse sur la terre aucun habitant parmi les mécréants. La, non. هل قال محمد صلى الله عليه وسلم كموسى عليه السلام وله الحق. Est-ce que Mohammed, prière et salut sur lui, a dit ce qu'a dit Moïse, prière et salut sur lui? Et il a le droit de dire comme Moïse et comme les autres prophètes. رَبَّنَا طُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Notre Seigneur, anéantit leurs richesses et ferme leur cœur. La, non. لَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il a dit, prière et salut sur lui, أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدْ اللَّهُ. اذهب يا ملك الجبال واذهب يا جبريل لا تطبق عليهم الاخشبين اتركهم واسال الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله من يوحد الله. Il a dit, je souhaite que Dieu fasse sortir de leur progéniture des gens qui adorent Dieu. Ô ange des montagnes, je n'ai pas besoin de toi. Ne fais rien, s'il te plaît. Innahu nabiyur rahma. Il s'agit du prophète de la clémence, de la miséricorde. Innahu nabiyul afu. Il s'agit du prophète du pardon. Ha huwa ya'fu anhum. Adabu ashaba. Qatalu ashaba. Wa ya'fu anhum. Innahu nabiyul ihsan. Il s'agit du prophète de la bienfaisance. قابله قومه بالعذاب. Son peuple l'a torturé et a torturé ses amis. ولم يقابلوه بصور كاريكاتور. C'était de la torture et non pas uniquement des caricatures. ورغم ذلك لم يطلب هلاكهم. Et malgré ceci, il n'a pas demandé à Dieu leur anéantissement. بل طلب هداية أولادهم. Plutôt, il a demandé la bonne orientation et la bonne guidée pour leur descendance, leurs enfants. وكما استجاب الله لنوح واستجاب لموسى عليه السلام. Et comme Dieu auparavant a exaucé la prière de Noé et la prière de Moïse, prière et salut sur eux, استجاب الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. De la même manière, Dieu le Très-Haut a exaucé la prière de Muhammad, prière et sajri, de son bien-aimé. وبعد سنوات فتحت مكة والطائف هذه الطائف فتحها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بدون حرب. Quelques années par la suite, il y a eu la conquête de la Mecque et de cette ville de Taif sans guerre et sans bataille. وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et les gens entrèrent dans la religion de Dieu groupe après groupe. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ كُفَّارِ مَكَّةٍ. Et parmi la progéniture des associateurs et des mécréants mécois, خَرَجَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ حَمَلُوا نُورَ الْإِسْلَامِ شَرْقًا وَغَرْبًا. Il y a eu des gens croyants qui partèrent avec la lumière de l'islam vers l'est et vers l'ouest. وَبَعْدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا. Et uniquement après 14 siècles. وَبِبَرَكَةِ دُعَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et grâce à la bénédiction de cette prière de Muhammad, prière et salut sur lui, فَاقَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَالَمِ الْيَوْمِ مليار مسلم. Le nombre des musulmans dans le monde d'aujourd'hui a dépassé un milliard. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله. Après ceci, serviteur de Dieu. سأخصص الخطبة الثانية. Je vais réserver le discours, le deuxième discours, للكلام عن صلاة الجمعة, pour parler de la prière du vendredi. فكثيرا ما يتكلم الناس معي ويشتكون من أخطاء الناس يوم الجمعة. À plusieurs reprises, les gens parlent avec moi et se plaignent des erreurs commises par les gens dans ce jour du vendredi. ويطلبون مني تذكير الناس بسنن الجمعة. Et ils me demandent de rappeler aux gens les sunan, les sunnah du vendredi. وهذا الشيء يقلقني. Et ceci me dérange. فهل أتكلم كل الجمعة عن الجمعة؟ Dois-je parler à tous les vendredis du vendredi? لأن بعض الناس لا يحبون أن يتعلموا. Parce qu'il y a quelques gens qui ne veulent pas apprendre. أو لا يحبون تطبيق ما تعلموا. Ou il y a quelques gens qui ne veulent pas mettre en pratique ce qu'ils ont appris. فمن جهتي لا يمكن أن أكلمكم كل أسبوع عن الجمعة. De mon côté, je ne peux pas vous parler chaque vendredi du vendredi. لأن الناس ستمل. Parce que les gens vont se lasser. منذ أسابيع تكلمت عن الموت. Depuis quelques semaines, j'ai parlé de la mort. في ثلاث جمع متتالية. Et ceci a eu lieu pendant trois vendredis de suite. فقال بعض الناس, quelques gens disent, كفانا كلاما عن الموت. Ça nous suffit de nous parler de la mort. ألا يجد الإمام مواضيع غير الموت. Est-ce que l'imam ne trouve pas d'autres sujets à part la mort? قالوا هذا الكلام عن الموت. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Ils ont dit ceci à propos de la mort. Malgré que le prophète prière et sur lui dit. الموت خير واعظ للمسلم. La mort est le meilleur prédicateur pour le musulman. وأوصانا بذكر الموت كثيرا. Il nous a recommandé d'évoquer, de se rappeler beaucoup dans notre vie de la mort, c'est-à-dire de ne pas oublier la mort. فالموت باب وكل الناس داخله. La mort est une porte par laquelle tous les gens vont passer. فكيف ستدخل من باب وأنت لا تعرف عنه شيئا. Comment vas-tu passer à travers une porte et tu ignores tout à propos de cette porte? ما فائدة حياتك إذا لم تتعلم فيها لما بعد مماتك. Quel est l'intérêt de ta vie si pendant ta vie tu n'y apprends pas des choses utiles pour ce qui suit ta mort? وأعود إلى موضوع الجمعة. Je reviens vers le sujet du vendredi. فالجمعة فرض على المسلم. Le vendredi, la prière, venir faire la prière du vendredi est une obligation, est un devoir obligatoire pour le musulman. ويجب أن يتعلم واجباتها وسننها منذ سن البلوغ. Et chaque musulman doit apprendre ses devoirs obligatoires et ses sunnas depuis l'âge de la puberté. وتنتهي القضية هنا. Et l'affaire doit s'arrêter là. À l'âge de la puberté. ولا يجب أن نجعل منها موضوع كل أسبوع. Et on ne doit pas faire du vendredi le sujet de chaque vendredi ou de chaque semaine. ولكن, parce que les gens, ça y est, depuis l'âge de la puberté, tout le monde a appris. Comme tout le monde doit apprendre la prière ou le jeûne ou autre depuis l'âge de la puberté. من سن البلوغ. ولكن مع الأسف الناس تتعلم كل أمور الدنيا. Mais malheureusement, mes frères et mes sœurs, les gens à notre époque apprennent toutes les choses concernant la vie ici-bas. وتضيع الوقت وتجاهد من أجل التعلم. Et les gens perdent le temps qui est cher et luttent pour apprendre les choses de la vie ici-bas. ولا تريد أن تتعلم أمور الآخرة. Et les gens en même temps ne veulent pas apprendre les choses de l'au-delà. Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu. الجمعة عيد أسبوعي للمسلم. Le vendredi est une fête hebdomadaire pour chaque musulman. أليس من العار أن يجهل المسلم ماذا يجب عليه فعله يوم الجمعة؟ N'est-il pas une vraie honte que le musulman adulte ignore ce qu'il doit faire, ce qu'il doit accomplir le jour du vendredi. وأذكر ببعض الأمور التي يشتكي منها بعض الناس. Je vais rappeler rapidement quelques points rappelés ou dont quelques gens se plaignent. الأولى, le premier point. من سنن الجمعة الذهاب مبكرا إلى المسجد. Parmi les sunnas du vendredi, c'est d'aller tôt le matin à la mosquée. عند الجمهور, ceci chez la majorité des écoles. Et le monde au savoir, depuis le matin, tôt le matin, aller vers la mosquée, il s'agit de la fête, et rester dans la mosquée. وعند المالكية ساعة قبل الظهر. Et chez les malikites, une heure avant le temps du dhuhr. Une heure. Si par exemple on fait à une heure, on doit être là chez les malikites à midi. Chez les autres, on doit être à partir de 9 heures, dans la mosquée. في الدول الإسلامية, dans les pays musulmans, إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة عند الأذان, si tu vas pour faire la prière du vendredi, et tu vas uniquement lorsque le muaddin commence à appeler les gens, lorsqu'il commence à faire l'adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, فستصلي في الشارع لأن المسجد ملئ قبل الأذان. Tu vas faire, mon frère ou ma soeur, ta prière dans la rue, sous le soleil ou sous la pluie, parce que la mosquée est déjà pleine avant l'appel à la prière. وعندنا هنا, et chez nous, ici, dans cette mosquée, المسجد يملأ, la mosquée se remplit, في آخر الخطبة الثانية, à la fin du deuxième discours, قبل صلاة ركعتي الجمعة, juste uniquement après la prière des deux unités de prière. Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu. أخي أختي, frère, sœur, كيف لا تأتي من الأولين يوم عيد الجمعة. Frère ou sœur, comment ne viens-tu pas parmi les premiers à la maison de Dieu pendant le jour de la fête du vendredi? إلى بيت الله. أنسيت موعدك مع الله. As-tu oublié ton rendez-vous avec Dieu? ما الذي أنساك هذا الموعد؟ Qu'est-ce qui t'a fait oublier ce grand rendez-vous avec Dieu hebdomadaire? أهناك شيء أكبر من الله? Y a-t-il quelque chose dans la vie ici-bas plus grande, plus intéressante, plus importante que Dieu? لو كان عندك موعد مع رئيس الدولة. Si à la place de Dieu tu avais un rendez-vous avec le président de la République, هل تحضر فيه متأخرا؟ Vas-tu assister au rendez-vous mais avec retard? المؤمن كما قلت يأتي قبل الأذان. Le vrai croyant, comme je l'ai dit, il vient à la mosquée avant l'appel, beaucoup avant l'appel, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, selon sa possibilité et sa disponibilité. حسب الاستطاعة. بعد الوضوء الكبير, après les grandes ablutions, ويقرأ كتاب الله يوم الجمعة في بيت الله. Et il lit quelques versets coraniques du livre sacré de Dieu le jour du vendredi dans la maison de Dieu, avant l'appel et avant le discours. ويذكر الله في بيته. Et il évoque Dieu dans sa maison. ويستمع للخطبة. Il écoute le discours. من أولها إلى آخرها كما أمر الله. Il écoute le discours depuis son début jusqu'à sa fin comme Dieu l'a ordonné. إلا إذا كان له عذر مقبول دينيا. Sauf s'il a une excuse valable religieusement. أما أن يأتي قبل الوقت. Mais celui qui vient avant l'heure de l'appel à la prière du vendredi. Et il commence à parler avec les gens avant le vendredi. Au lieu de parler avec Dieu dans sa maison, il parle avec les gens. Et il continue à rire avec les gens. Hatta ba'd al-adhan. Même, il continue à rire et à parler, à blablaber, jusqu'à, ou après, même après l'adhan. Et après une demi-heure, après un quart d'heure, il entre à la mosquée. Fahada mukhalif li sunnah. Ceci est contraire à la sunnah. Al-imam yakhtub. L'imam est en train de prêcher, en train de prononcer son discours, والناس تأكل الكسكس. Et les gens sont en train de manger le couscous comme s'il vient d'un pays où il y a la famine, en Afrique ou en Asie du Sud. Comme on n'a jamais vu le couscous. Subhanallah, on adore le couscous le jour du vendredi où on adore Dieu, subhanahu wa ta'ala. يأكل الكسكس هنا أمام المسجد والإمام يخطب. Il est en train de se nourrir du couscous juste à côté de nous là. Et l'imam est en train de prononcer son discours. هذا مخالف للسنة. Ceci est contraire à la sunnah. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الملائكة أمام المسجد. Le prophète nous dit que les anges sont devant la mosquée. تسجل الواصلين للمسجد, en train d'inscrire les arrivants à la mosquée, حسب وقت وصولهم, chacun à l'heure de son arrivée. وكلما اقترب وقت الجمعة قل الأجر. Le prophète nous dit, plus on s'approche de l'heure de l'appel, le salaire diminue. يمر من ناقة إلى بيضة. Le salaire passe de l'équivalent d'une chamelle vers l'équivalent d'un œuf. فإذا أذن, lorsqu'il y a l'appel à la prière, دخلت الملائكة لتستمع لذكر الله. Les anges plient leurs papiers et entrent à la mosquée pour écouter l'évocation de Dieu, pour écouter le discours. أخي, أختي, frère, sœur, أفرض لنفسك أن لا يكون اسمك مسجلا عند الملائكة. Accepte pour toi-même, accepte-tu pour toi-même que ton nom, chaque vendredi, ne soit pas inscrit sur la liste des anges qui sera donnée à Dieu subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, deuxièmement, في وقت الخطبة لا يجوز الكلام. Pendant le discours, il est interdit de parler. الاستماع للخطبة فرض. Écouter le discours est une obligation. والكلام حرام. Parler, dialoguer est interdit. حتى السلام ورد السلام لا يجوز. Même saluer les gens, même répondre aux salutations n'est pas permis. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sage lui dit, إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة. Si tu dis à ton ami ou à ton voisin le jour du vendredi, أنصت, écoute, fais silence. والإمام يخطب. Et l'imam est en train de prononcer son discours. Tu as fait normalement du bien. Le prophète te dit, tu as causé. فقد لغوت. أنت قمت بشيء جميل في الحقيقة. قلت له اسكت. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول له اسكت. خلي. لا تتكلم. تبطل صلاتك. تبطل جمعتك. فقد لغوت. متفق عليه. Unanimement authentique. وفي رواية. Dans une version. ومن لغى. Et celui qui aura causé n'a pas de vendredi, c'est-à-dire n'a pas de salaire du vendredi. Wahida, une femme, d'après ce qu'on m'a raconté, Wahida, fait salat al-jumu'a pendant la prière du vendredi. Ramna son portable a sonné, fa'ajabat, elle a répondu, inni fi salat al-jumu'a wa qata'at. Je suis dans la prière du vendredi et elle a coupé. Hadihi hiya haluna, tel est notre état. وكالكلام التجارة تصير حراما. Exactement comme parler devient interdit après l'appel à la prière, le commerce devient interdit, toute autre chose devient interdite. ثالثا, troisièmement, عدم إذاء الناس, ne pas nuire aux gens, ne pas faire du mal aux gens. عدم تخطي رقابهم, ne pas enjamber leur tête et leurs épaules. فمن فعل هذا, celui qui fait ceci, يوم القيامة اتخذ جسرا إلى جهنم. Le jour de la résurrection, il aura pris un pas vers le pont de la GN. رواه الترمذي وابن ماجه, rapporté par l'imam الترمذي وابن ماجه. إذا الناس يوم الجمعة جسر إلى جهنم. Nuire, faire du mal aux gens le jour du vendredi, c'est prendre le pont qui mène vers l'enfer. سواءٌ مشيت عليه, soit tu marches sur ton frère ou ta sœur. سواءٌ آذيته بريح السجارة, soit tu le déranges avec la mauvaise odeur qui se dégage, la mauvaise odeur de la cigarette qui se dégage de ta bouche. Au moins le jour du vendredi, mon frère, ne fume pas. Après le vendredi, que Dieu te guérisse de cette maladie, de cette chose interdite. أو رائحة الجوارب, ou bien celui qui fait du mal aux gens avec la mauvaise odeur de ses chaussettes. أو آذيته بسيارتك, ou celui qui fait du mal avec son voiture à un autre, وَضَعْتَهَا أَمَامَ سَيَّارَتِي, tu l'as placé juste devant ou voilà devant ou derrière sa voiture, فَلَا يَسْتَطِعُ الْخُرُوجُ وَيَبْقَ فِي انْتِظَارِ, qui ne peut pas aller à temps dans son travail. À cause de toi, il doit t'attendre. وَرُبَّمَا هُوَ عَلَى عَجَلٍ مِنْ أَمْرِ. رَابِعًا وَأَخِيرًا, quatrièmement et dernièrement, الصفوف في الصلاة يجب أن تكون متساوية. Les rangées dans la prière doivent être bien alignées. ولا يمكن في دين الله أن نبدأ صفا والصف الذي قبله غير كامل. Il n'existe pas dans la religion de Dieu de commencer une rangée et la première n'est pas complétée. Lorsque la première rangée est achevée, on peut créer une autre et ainsi de suite. ولكن هناك من يريد أن يبقى بجانب الباب. Il y a des gens qui veulent rester à côté de la porte. Donc ils vont faire leur rangée à côté de la porte. Ils vont créer une nouvelle religion. Ils vont adorer Dieu comme eux, ils veulent. وسيعبدون الله كما أرادوا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. في الأخير أقول لكم أيها الإخوة, من رأى منكم منكرا من هذه الأنواع فليغيره بفمه. Celui qui voit quelque chose d'anormal de ce que je viens de dire, c'est bien de la faire changer avec sa parole. ولكن بالتي هي أحسن, mais d'une bonne manière, وبلطف وبهدوء, et avec douceur, on doit parler avec celui qui est ignorant pour que chacun de nous participe et essaie d'apprendre aux autres ce qu'il ignore. أما أنا كل جمعة نتكلم هذه الأمور هذه فلا يمكن, هناك مواضيع أخرى ربما أهم من هذا الشيء. هذا الشيء نتعلمه في الصغر. ما نبقاو نتعلموا احنا 40 و60 عام هذه الأمور هذه الأولية فوق منبر الجمعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, نسألك في هذا اليوم في يوم الجمعة, يا رب هناك من هو صائم اليوم عاشوراء وهناك من يصوم غدا إن شاء الله عاشوراء وقد صام اليوم تسوعاء, اللهم تقبل من عبادك, اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا. يا رب لك صلينا ولك صمنا, يا رب ارض عنا, تقبل منا, اغفر ذنوبنا. يا رب إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال صيام عاشوراء يغفر ذنوب سنة ماضية. اللهم اغفر ذنوبنا في السنة الماضية, اللهم اغفر ذنوبنا في السنة الماضية وما مضى وفيما مضى من العمر. اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تجعلنا من أعدائك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تبلغ صلاتنا وسلامنا إلى إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.